Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel! Bon matin, Danny! Michel, c'était le super à Calcutta en fin de semaine, donc si on y allait avec... tu voulais revenir là-dessus? Oui, disons que c'est vraiment pour souligner que c'est le plus gros happening de la saison qui s'est tenu la semaine dernière. Okay. Ça joue toute la semaine. On avait 85 joueurs sur 145 membres. 70% de notre clientèle qui est présente. Il a fait beau toute la semaine. La seule journée, le jeudi, on avait très peu d'activité, donc pas d'inconvénients pour notre semaine. Puis ça s'est clôturé samedi. Des beaux pointages, des belles luttes. Très belle semaine qui inaugure très bien pour le futur de notre club de golf. Ah, regarde, c'est quand même, c'est une année exceptionnelle pour tout le monde. Donc, bravo. En fin de semaine, c'est le championnat du club. Comment tu t'attends à l'inscription? Dans le moment, on s'attend peut-être à 40 à 50 joueurs. 5 classes chez les hommes, 3 classes chez les dames. 36 trous individuels, 18 trous samedi puis 18 trous dimanche. C'est une compétition qui regroupe vraiment ceux et celles qui aiment la compétition. Okay. On passe dans le fond d'un extrême à un autre, d'un tournoi à 5 balles, meilleure balle, à 36 trous de compétition individuelle. Okay. Il annonce du beau temps, parcours magnifique, donc on devrait avoir des belles luttes dans beaucoup de classes, autant chez les hommes que chez les dames. OK. Pierre-Alexandre Bédard, lui, est un gros tournoi de la saison. C'est le plus gros tournoi du Pro Tour Canada, section Québec. Ça débute aujourd'hui à Victoriaville. 4 jours avec une coupure après 2 journées. 175 000 $ en bourse. Oh, OK, c'est bon. Dont 30 000 aux gagnants. OK. Ce que Daniel me disait, son père, c'est qu'il est en très bonne condition. Son golf est bon. Donc, on peut s'attendre à des belles choses de Pierre-Alexandre cette semaine. OK. Donc, on va sauver ça. Il y a le Lucas Dupéré également de Tolbeau Mississini qui devrait participer également à cette compétition, qui est sur le Golf Pro Tour également. Hey, les promotions. On y va avec les promotions maintenant. Promotion, toujours 2 personnes avec la voiture. Okay. Pour 50 $ pour toute la saison. Beaucoup, beaucoup d'espace est disponible. Donc, encore de très belles journées, dont à partir d'aujourd'hui, pour toute la fin de semaine. Donc, on invite toute la population à venir nous visiter, découvrir ce magnifique sport qu'est le golf. OK. Ben Michel, on s'en reparle la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Voilà, donc c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand.